fait scientifique marquant de cette année d'épidémie, c'est que le vaccin contre le SARS-CoV-2 ne sera pas venu de France ou issu de la recherche française. Une déconvenue amère pour le pays de Pasteur et une déconvenue à laquelle s'attendaient beaucoup de scientifiques qui ne cessent de dénoncer et de déplorer, et ce malgré la future loi de programmation de la recherche, des conditions de travail et de financement qui ne cessent de se dégrader depuis des années. Un rapport rendu au mois de février leur donne raison. La place de la France dans la recherche internationale entre 2005 et 2018 s'effondre. Comment expliquer une telle dégringolade alors que nos chercheurs sont a priori bons? À qui la faute? Recherche française, génération sacrifiée, c'est le programme collectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer d'y comprendre et de comprendre les raisons de ce décrochage français et les moyens d'y remédier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Carayol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux, spécialisé en économie des sciences. Et Sylvestre Huette, bonjour. Bonjour. Journaliste scientifique pour Le Monde, mais on commence par celle qui ne décroche jamais rien d'autre que le téléphone. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Hein. Bonjour Natacha, c'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude de l'Institut Pasteur, étude qui montre une corrélation entre le taux d'occupation d'un hôpital et un risque de surmortalité. Oui, cette étude publiée dans la revue The Lancet apporte un nouvel éclairage sur l'évolution de la mortalité dans les unités de soins intensifs lors de cette crise sanitaire. Les chercheurs de Pasteur ont analysé les données de près de 200 000 patients issus de 1700 structures de soins sur toute la France métropolitaine du 13 mars au 30 novembre 2020. Leur modélisation montre que la probabilité de décès des patients hospitalisés en unité de soins intensifs augmente selon le taux d'occupation de ces unités. A l'inverse, à mesure que la pression a diminué sur les hôpitaux tout au long de la première vague, on a également vu diminuer la probabilité de décès. Elle est passée de près de 25% en mars à 10% en juin. En d'autres mots, plus les services de soins intensifs sont saturés, plus le risque de surmortalité est fort. Alors, de précédentes études américaines, britanniques et belges ont déjà apporté des conclusions similaires. Avec un personnel soignant sous-effectif, parfois peu habitué à la réanimation, ces résultats s'expliquent assez facilement. Et c'est sans parler de la fatigue et du surmenage d'un secteur en manque de ressources humaines. Et vous pouvez retrouver cette étude du Lancet, comme tous les jours, sur notre fil Twitter, @lamethodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Nature, un essai clinique de phase 1 d'un vaccin contre le cancer du cerveau apporte des résultats encourageants. Les gliomes représentent la majorité des tumeurs cérébrales malignes et sont particulièrement difficiles à traiter. La plupart de ces tumeurs portent une mutation génétique, la mutation IDH1, qui conduit à la création de nouvelles protéines, des néoépitopes. Une équipe allemande a créé un vaccin qui cible cette mutation spécifique IDH1. Alors, lors de l'essai clinique de phase 1, 33 patients diagnostiqués avec un gliome ont reçu ce vaccin. Il s'est avéré sûr, sans effet secondaire, et il a déclenché la réponse immunitaire attendue chez 93% des patients. Pour 82% d'entre eux, aucune croissance tumorale n'a été observée après 3 ans. Mais cette étude ne concerne qu'une petite cohorte, sans groupe témoin. Un essai de phase 2 est attendu afin de mieux juger son efficacité. Une étude parue dans la revue Science Robotics décrit la création d'un xénobot capable de détecter son environnement. Oui, un xénobot, c'est un robot cellulaire fabriqué in vitro à partir de cellules vivantes. Ce n'est pas totalement un robot, mais pas non plus un être vivant. L'année dernière, une équipe américaine a présenté les premiers xénobots créés à partir de cellules souches de grenouilles. Leur prototype, une sphère d'un demi-millimètre dans une boîte de pétri, était seulement capable de se déplacer et de pousser des particules dans une seule direction. Cette année, les chercheurs ont amélioré leur modèle. Ils présentent un xénobot qui nage plus vite et qui réagit à la lumière. À terme, les auteurs de cette étude rêvent de pouvoir l'utiliser comme un outil médical. Et enfin, une étude parue dans la revue The Journal of Tentacles décrit la découverte d'un fossile de céphalopode à l'intérieur d'une météorite. Oui, une équipe internationale s'est intéressée à NWA 6369, l'une des rares météorites martiennes, découverte en 2008 dans le désert algérien. Une météorite vieille de plus de 500 millions d'années. Par microscopie, les chercheurs ont été très surpris de découvrir un minuscule fossile de céphalopode primitif de 4 mm de diamètre. C'est à ce jour le plus ancien spécimen connu. 500 millions d'années, c'est aussi leur date d'apparition sur Terre. La découverte suggère que les céphalopodes seraient d'abord apparus dans l'espace extra-atmosphérique. Les chercheurs l'ont baptisé Céphalopoda algewelsus. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Un mot pour débuter cette émission avant de rentrer dans le vif de notre sujet du jour, pour vous dire que, eh bien, à l'initiative, je vous en avais déjà parlé ici, d'un de nos auditeurs fidèles, Aris Adamantiadis, eh bien, un bingo de la méthode scientifique, et oui, c'est le 1er avril, mais pour le coup, ça n'est pas un 1er avril, a été produit, donc avec deux grilles, et puis comme il s'avère que, eh bien, c'est aussi la semaine où le livre que j'ai coécrit avec Mathieu Lefrançois, L'Espace, a gagné le prix Ciel Espace du livre d'astronomie 2021, eh bien nous vous proposons de gagner 3 exemplaires de ce livre dédicacé. On va vous poster cette grille de bingo de la méthode scientifique avec vraiment toutes mes expressions les plus irritantes que vous entendez jour après jour, comme changement de paradigme, en un mot car il nous reste 30 secondes, bref, je vais vous laisser le découvrir. Eh bien, les premiers auditeurs ou les premières auditrices qui nous renvoient ce bingo rempli, c'est-à-dire avec une ligne remplie dans au moins dans chacune des deux cases, hein, parce qu'il y a deux grilles de bingo. Donc une ligne remplie dans chacune des deux grilles avec évidemment la mention de l'émission et éventuellement même de l'heure à laquelle j'ai prononcé ces expressions. Eh bien, si vous nous renvoyez cela soit à un mail qu'on va vous mettre dans le fil Twitter, soit bien simplement par la bonne vieille poste avec une enveloppe timbrée, eh bien vous aurez le plaisir, les 3 premières grilles remplies, de gagner 3 exemplaires de L'Espace dédicacé. Voilà, ça c'était pour le bingo. Maintenant on va revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, à savoir notre sujet du jour, puisque entre 2005 et 2018, soit sous les mandats successifs de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, la France est passée de la 6e à la 9e place en termes de position scientifique internationale. Désormais devancée par la Chine, grande première, qui n'a cessé de renforcer sa position, mais aussi les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, l'Italie et la Corée du Sud. La part de la France dans le nombre de publications significatives a reculé de 34%. Notre recul est particulièrement significatif en sciences de la vie, même si nous occupons toujours de bonnes places, notamment en histoire et archéologie, en mathématiques et en sciences de l'univers. Alors que s'est-il passé? Ce décrochage, de nombreux scientifiques le dénoncent depuis plusieurs années. Des manifestations ont eu lieu en 2004, avec notamment la démission massive de plusieurs directeurs de laboratoire, ou encore en 2009 avec d'importantes grèves universitaires, ou même un ex-président du CNRS qui alertait à son départ de l'institution du risque de perdre une génération si la recherche française continuait à ce point à être sous-financée. Mais finalement, est-ce que le fait que les scientifiques réclament de l'argent, ce ne serait pas une vieille habitude, une part de jeu démocratique? Écoutez cet archive, nous sommes en janvier 1946. C'est le directeur du CNRS de l'époque, Georges Tessier, qui s'exprime. Eh bien, nos difficultés sont celles de tout le monde, difficultés d'argent, que tout le monde connaît. Je dois dire honnêtement que nous n'avons pas à nous plaindre particulièrement par les services de l'État. Les finances, qui nous surveillent de très près, et c'est d'ailleurs leur devoir, ont été relativement, je dis relativement, plus libérales pour nous que pour d'autres organismes. Seulement, dans ces derniers mois, les prix de toutes choses ont tellement augmenté que notre budget, que nous imaginions relativement large il y a un an, s'est révélé tout à fait insuffisant. Et alors, si comme on peut le craindre, en 47, il y a des restrictions budgétaires, alors ça risque d'être catastrophique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ces questions financières sont-elles les seules qui vous gênent? Eh bien, aux questions financières sont liées les questions de recrutement. Je ne vais pas vous expliquer le statut des différentes catégories de personnel que nous possédons, soit chercheurs, soit techniciens, soit contractuels, etc. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont tous insuffisamment payés, à des degrés inégaux, mais insuffisamment payés. En particulier les chercheurs, qui sont évidemment l'élément essentiel de notre institution, sont payés au tarif des membres de l'enseignement supérieur, ce qui est déjà un succès relatif puisqu'ils ne l'étaient pas il y a encore quelques mois, ils le sont maintenant, mais tout le monde sait que ces traitements sont très insuffisants et que, à valeur égale, les mêmes travailleurs dans l'industrie gagneraient beaucoup plus. Alors je suppose que ça doit vous amener une raréfaction du matériel humain, si je puis dire, vous devez manquer de... Eh bien, ça cause des pertes, incontestablement. Nous ne recrutons pas tous ceux que nous pourrions recruter. Voilà, Georges Tessier, directeur du CNRS en 1946, Sylvestre Huet, finalement c'est une sorte de sport national pour les scientifiques de réclamer plus d'argent, finalement ça n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Je dirais pas ça comme ça, parce que si vous aviez posé la question au patron du CNRS des années 82, 83, 84 ou 88, 89, 90, 91, il vous aurait dit « Oh ça va, le budget augmente, je peux recruter plus de chercheurs, plus d'ingénieurs, donc c'est pas tout le temps, c'est quand ça va vraiment mal. » Nicolas Carayol, votre sentiment à cet égard ? Le financement de la recherche, je pense que c'est une explication, c'est sûr, importante du déclassement, un petit peu de la France dans les classements internationaux, comme vous l'avez indiqué. C'est peut-être pas la seule explication, d'ailleurs, hein, si on voit que la France perd des parts un petit peu dans ces différents classements, c'est aussi parce qu'on a un phénomène de globalisation. Je pense que voilà, on a des pays asiatiques qui remontent, on a des cas particuliers comme le cas de la Chine ou le cas de l'Italie dont on pourrait parler. Mais bon, je pense que de toute façon vous avez raison. Une des raisons essentielles de la baisse de perte de performance de la France, c'est un manque d'investissement dans la recherche. Et pour ça, il faut comparer à des pays qui sont un peu dans notre ligue. Je dirais, c'est la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark, la Hollande, la Suède, enfin des pays qui investissent, c'est clair, une part plus importante de leur richesse nationale dans la recherche. Justement, à ce propos, Sylvestre Huette, c'est un sport typiquement français ou est-ce que aujourd'hui ce déclassement, alors c'est un déclassement finalement plus général de ceux qui naguère furent les fleurons scientifiques du monde et qui simplement se retrouvent confrontés à des bouleversements géopolitiques et notamment aussi démographiques. Je suggère qu'on revienne plus tard dans l'émission sur le cas français et qu'on se concentre sur le nouveau monde qui est annoncé par le classement des pays producteurs de sciences. Ce nouveau monde, c'est un monde qui sera très différent du 19e et de la première moitié du 20e siècle parce que le partage de la production de sciences sera moins inégalitaire. C'est évident que dans l'histoire de la domination mondiale de la triade États-Unis, Europe, Japon, au 19e et au 20e siècle, leur capacité à maîtriser des technologies issues de la production de sciences a joué un rôle absolument déterminant. Et je dirais d'abord que c'est une très bonne nouvelle. Oui, voilà. J'allais vous dire la même chose, Sylvain. C'est une bonne nouvelle. C'est du multilatéralisme. Mais j'ai du mal pour une raison qu'on peut développer. C'est une très bonne nouvelle parce que pour faire face aux défis du 21e siècle et d'abord à celui de la pression anthropique sur les écosystèmes naturels, sur les ressources qu'on prélève sur la nature pour faire vivre les sociétés humaines, il va falloir beaucoup de sciences et beaucoup de technologies partout sur la planète. Or, si on veut que cet usage massif des savoirs et des technologies ne se fasse pas à travers des dominations d'une partie de l'humanité sur l'autre, ce qui donnerait lieu inévitablement à des conflits violents, il faut que la production de science et la maîtrise des technologies soient plus partagées. Et donc, de ce point de vue, l'émergence de la Chine, ce géant démographique de près d'1,5 milliard d'habitants, comme premier producteur de science mondiale, eh bien, c'est une bonne nouvelle. L'émergence de l'Inde, du Brésil, de la Corée, sont également des bonnes nouvelles. Et je dirais que finalement, dans le futur, la bonne nouvelle, ça sera quand l'Afrique s'y mettra aussi. Parce que ça voudra dire que l'humanité dans son ensemble est plus égale dans sa relation aux outils qui vont lui permettre de faire face aux défis du siècle. Et l'égalité, ça peut être un facteur, c'est pas obligatoire, mais ça peut être un facteur de paix et de coopération, alors que l'inégalité est très souvent un facteur de domination et de conflits violents. Nicolas Carayol, justement, alors je vais peut-être réussir à le dire correctement cette fois-ci, ce nouveau multilatéralisme scientifique, effectivement, au lieu de déplorer la chute de la France, il faut se réjouir d'un rééquilibrage. Est-ce que c'est vraiment un rééquilibrage? On va parler évidemment dans le détail de cette étude, ou est-ce qu'au contraire c'est une nouvelle hégémonie qui d'un seul coup, eh bien simplement au lieu d'être américaine, devient chinoise? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est un phénomène de globalisation de la science. On a vu la globalisation du commerce et des économies il y a depuis une vingtaine, une trentaine d'années, qui s'est accrue. Et là, maintenant, on voit la même chose du point de vue scientifique. Donc on a tous ces pays nouvellement développés qui viennent et qui participent maintenant à la production de science. Et puis on a ces grands pays en développement, voilà, tout simplement parce qu'ils ont une population très importante. Ils ont aussi beaucoup de chercheurs, désormais, qu'ils emploient dans leurs universités ou dans leurs organismes, et donc ils y prennent leur part. Et oui, c'est d'une certaine manière, il faut s'en féliciter. Mmh. Le cas de la Chine, c'est un peu spécial, parce que c'est non seulement le reflet de sa position économique grandissante, mais c'est aussi le reflet de son investissement massif dans la recherche, et puis d'une politique de recherche très soutenu, très pensé. Je veux dire, le fait que on fait souvent référence au classement de Shanghai, mais le fait que le classement de Shanghai ait émergé précisément à Shanghai, c'est un classement d'université internationale, hein, pour le préciser. Oui, on en parle souvent parce que c'est un classement qui fait référence en Europe. Eh bien, ce classement, s'il a émergé en Chine, c'est parce que ils avaient besoin de faire du benchmark et de pouvoir apprécier, voilà, quels étaient les modèles universitaires, quelles étaient les universités qui étaient les meilleurs dans le système, et pour eux-mêmes pouvoir raccrocher à ce système. Et ils ont mis en place une politique de la recherche très soutenue, très connectée, en prenant comme modèle le cas américain, qu'ils ont trouvé comme étant le modèle le plus efficace et le plus rayonnant. Et ça explique le fait que leur progression soit encore plus accélérée qu'elle n'était attendue, en réalité. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de la recherche française, de son éventuel déclassement, mais évidemment dans un tableau international qui est le cadre de notre discussion aujourd'hui, donc d'une certaine manière de géopolitique de la France et de la science, pardon, et de la place de la France dans cette géopolitique. Nous en parlons avec Nicolas Carayol et Sylvestre Huette. Sylvestre, je rebondis sur ce que vient de dire Nicolas Carayol. Effectivement, quand on vous entend plaider pour plus de multilatéralisme, ou enfin pour une science mieux répartie à la surface du globe, est-ce que ça n'est pas faire un peu œuvre d'optimisme plutôt, et que ce tableau que d'ailleurs je vais vous demander de nous décrire ne dit pas simplement qu'on arrive devant finalement une autre superpuissance scientifique qui est la Chine, et qui commence, et on le voit hein, dans le graphique qui a été produit par l'OST, à écraser tous les autres pays face au poids de sa recherche scientifique? Je dirais que ça, c'est une vision pas très juste de la réalité. La Chine n'écrase personne. La Chine est au rang que lui donne son poids démographique. Et d'un autre côté, ce qui n'est pas visible dans le classement, parce que les auteurs du rapport de l'Observatoire des sciences et des technologies n'ont pas pensé à le faire, et je pense qu'ils n'ont pas eu raison, si on additionne les recherches des pays de l'Union européenne, on se rend compte que le bloc principal, premier en production de science, c'est les pays de l'Union européenne. Alors c'était encore même sans la Grande-Bretagne. Quand on enlève la Grande-Bretagne, ça enlève pas mal. Mais même sans la Grande-Bretagne, le reste rivalise sans aucun problème, tant avec les États-Unis que avec la Chine. Donc il ne faut pas craindre une hégémonie chinoise. C'est pas du tout ce qui se profil. Ce qui se profile, c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais ce qui se passe, c'est que en Europe, eh bien, il y a maintenant 21 ans, les gouvernements de l'Union européenne réunis à Lisbonne avaient compris, entre guillemets, ce qui se passait. Et donc, ils avaient à l'époque décidé de créer, je les cite, l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Et pour ça, ils avaient fixé un objectif chiffré. Allouer 3% du PIB européen à la recherche et au développement, à peu près un tiers dans le public et deux tiers dans le privé. Donc passer en gros de 2, ce qui était à l'époque un peu moins de 2 à l'échelle de l'Union européenne, à 3% du PIB en dépenses de R&D. Pour un pays comme la France, ça voulait dire passer de 2,2, c'était le cas à l'époque, à 3% du PIB en dépenses. 21 ans après, où en est la France? À 2,2. 5%. Exactement la même chose. Autrement dit, il y a quand même eu une incapacité de l'Union européenne dans son ensemble et surtout de certains des pays de l'Union européenne, au premier rang de la France, à faire ce qui avait été décidé il y a maintenant 21 ans. Si on avait fait ça, consacrer 3% du PIB, dont seulement 1% des dépenses publiques en dépenses publiques à la R&D, eh bien le tableau serait, ça n'aurait pas empêché la Chine de grimper à la première place, mais il serait, disons, plus réjouissant pour le cœur des Européens. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut dire maintenant, c'est il faut faire ce qui a été dit il y a maintenant 21 ans. Et ça suffirait pour avoir un monde où on n'aurait pas à craindre une quelconque hégémonie chinoise sur la science et la technologie. Avant cela, tout de même, j'aimerais bien qu'on continue à décrire un peu, parce que il s'agit d'une étude. J'aimerais que vous me disiez l'un et l'autre, si vous le voulez bien, ce qu'est exactement cette étude, ce qu'elle mesure précisément, quelles en sont les limites peut-être, parce que évidemment, il suffit de changer d'angle de vue ou de sujet d'étude pour ne pas obtenir tout à fait les mêmes résultats. Nicolas Cariol, vous pouvez nous dire exactement ce que c'est que cette étude de l'Observatoire des sciences et des techniques. Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs que cette OST, quelle est cette organisation, d'où vient-elle, qui l'a produit? Enfin, on a envie d'en savoir un peu plus quand même, pour pouvoir la juger. Ah, l'Observatoire des sciences et techniques, c'est un observatoire qui maintenant est rattaché au sein du HCRS, qui est l'instance d'évaluation de la recherche en France. Alors c'est une sorte d'observatoire, il y a une dizaine de techniciens et de chargés d'études qui étudient la production scientifique française et mondiale, essentiellement à partir de bases bibliométriques. Donc c'est toutes les productions scientifiques, les articles, aussi les brevets. Et là, dans cette étude, ce qu'ils font, c'est... Alors, je peux vous dire qu'ils font cette étude tous les ans. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a dans cette étude qu'on voit cette année, on a une sorte de reproduction. Il y a des éléments nouveaux, il y a des informations nouvelles. Mais voilà, le message est essentiellement toujours le même et il est discuté. Et on voit cette évolution, effectivement, de la place de la France dans le monde. Et du coup, c'est bienvenu. Alors maintenant, c'est juste une mesure de l'output. On n'arrive pas avec ça, effectivement, à comprendre les causes, les raisons. On n'est pas en face forcément les ressources. Donc c'est qu'une part du tableau, si vous voulez. Il faut préciser peut-être, Nicolas Cariol, désolé de vous interrompre, il faut préciser que le critère d'évaluation, c'est le nombre de publications dans des revues à facteur d'impact. Est-ce que ce critère d'évaluation, qui est un critère quantitatif, est à votre avis suffisant pour juger du rayonnement scientifique d'un pays à l'international? C'est-à-dire là vous posez la question de l'intérêt de la bibliométrie. C'est-à-dire la bibliométrie, si vous voulez, c'est tout un corpus de connaissances qui utilise les données bibliométriques, les données de publication d'articles, etc., pour essayer de quantifier la production scientifique. Alors il y a énormément d'indicateurs divers et variés. Il y a toute une communauté scientifique qui s'intéresse à ça et qui est très précautionneuse d'ailleurs. Il y a des bibliomètres qui sont très sérieux. Alors après, on peut toujours faire des études de plus mauvaise qualité, je dirais, en bibliométrie. Mais donc la question, c'est pas tellement celle de la quantification, c'est plutôt la question de savoir bien manier les outils de quantification en fonction des objectifs d'analyse que l'on a. Alors compter les articles, c'est vrai que c'est essentiellement du volume, mais on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées. On peut compter les nombres d'articles parmi les plus cités. On peut faire des ratios. Il y a plein d'indicateurs. Il y a toute une communauté scientifique, vous savez, qui s'intéresse à ça. Voilà. Je posais juste la pertinence de cet outil d'évaluation. Sylvestre Huette, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la bibliométrie est à votre avis suffisamment précise pour estimer avec finesse la qualité de la production scientifique d'un pays? Alors, elle peut être bête et méchante, la bibliométrie. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je pose la question. Et donc, je vais un peu apporter des éléments d'appréciation là-dessus. Mais d'abord et avant tout, pour les auditeurs, cette étude n'évalue, ne compte que ce qu'on appellerait la recherche académique, c'est-à-dire la production d'articles scientifiques dans des revues à comité de lecture. Autrement dit, par rapport aux 3% dont je parlais tout à l'heure, ça ne s'occupe véritablement que du 1%, c'est-à-dire de la recherche publique pour l'essentiel. Et donc, ça ne parle pas vraiment de la maîtrise des technologies. Ça ne parle pas vraiment de la propriété intellectuelle des brevets et encore moins de la production matérielle de technologie. Et évidemment, ce n'est pas toujours mécanique le lien qu'il y a entre la production de science au sens des articles scientifiques publiés dans les revues à comité de lecture et la force technologique d'un pays. Alors, ça peut être très bête et méchant, cette bibliométrie. Par exemple, quand le dernier classement est sorti et qu'il a montré que l'Italie avait devancé la France, ça a fait rigoler pas mal de chercheurs. Parce que, évidemment, les dépenses publiques de recherche en Italie aujourd'hui sont assez inférieures à celles de la France. Alors, par quel miracle les chercheurs italiens ont-ils devancé les chercheurs français en volume total de publications ? Eh bien, quand on fouille un peu les chiffres, on se rend compte que les chercheurs italiens ont été soumis par le pouvoir politique italien à une pression encore plus forte qu'en France à la publication. Et du coup, en gros, ils se sont dit « Ah, vous voulez vraiment qu'on publie ? Ben, on va publier tout et n'importe quoi. Et pour augmenter notre place dans ces genres de classements, on va s'auto-citer un maximum. » Et donc, les Italiens sont devenus les vice-champions du monde de l'autocitation. Et derrière qui on augmente, derrière les Chinois. Et parce que les Chinois aussi, ils ont une pression de la publication terrible. Autrement dit, les responsables politiques ont cru qu'ils tenaient l'indicateur magique qui allait leur dire avec une grande précision l'efficacité des dépenses de recherche publique qu'ils faisaient. Le problème, ce qu'on apprend dans la première année en management, c'est que quand un indicateur devient l'objectif des acteurs, il cesse rapidement d'indiquer quoi que ce soit. Oui, et là, en l'occurrence, il a commencé à indiquer la proportion des chercheurs italiens à duper leur pouvoir politique en augmentant leurs publications et leurs citations avec des méthodes qui font qu'ils ont gonflé leur part au-delà de leur production de science réelle. En même temps, Sylvestre, donc, ce que vous décrivez là, c'est exactement ce qu'on a reproché aussi à la science pendant très longtemps, c'est-à-dire de dire d'avoir une course au publisher perish et de surpublier par rapport à la production scientifique réelle des laboratoires français. Et ça, c'est une réaction des chercheurs face à la pression que les pouvoirs politiques leur mettent, parce que ça fait 30 ans que maintenant, les pouvoirs politiques ont comme première mesure de l'efficacité d'un organisme de recherche le nombre de publications avec le mot d'ordre « il faut publier toujours plus, toujours plus, toujours plus ». Et en réalité, cette bibliométrie qui est bête et méchante parce qu'elle ne s'occupe jamais de la qualité des publications, eh bien, elle commence à jouer un rôle de plus en plus négatif dans la capacité à piloter le système de recherche, et elle n'est pas pour rien dans la montée des mauvaises pratiques, des pratiques de fraude, des manquements à l'intégrité scientifique. On en a sûrement déjà parlé, mais l'un des champions français du nombre de publications, c'est un certain Didier Raoult, qui, par exemple, en 2017, a réussi à publier 77 articles dans l'année, c'est-à-dire un tous les 5 jours, dans une revue qu'il contrôlait complètement, donc sans véritable revue par les pairs de la qualité de ce qui était produit. Et il a été très récompensé par le système politique, parce que en l'argent que son institut a reçu comme récompense de ce flot de publications par le ministère de la Santé et de la Recherche, eh bien, il équivaut à celui qu'il aurait eu s'il avait publié 10 fois dans Nature ou dans Science la même année. Même Albert Einstein n'a jamais été en capacité de faire 10 fois Nature dans une même année. Donc on voit bien qu'il y a quand même une perversion du système avec un usage pervers de la bibliométrie, et qu'il ne faut pas prendre au pied du chiffre toutes les statistiques de bibliométrie. Non, c'est intéressant parce que ça permet donc d'une part de temporiser un peu finalement cette étude de l'OST. Et Nicolas Carayol, c'est vrai, quand on regarde d'autres indicateurs, par exemple, bien un indicateur, puisqu'on en parlait à l'instant, de la revue Nature sur les instituts de recherche, on voit que le CNRS est à la 4e place, derrière l'Académie des sciences chinoises, derrière Harvard et les Allemands du Max Planck. On voit qu'en termes de dépôt de brevets européens, la France est à la 4e place. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un effet de loupe qui est amplifié par cette discipline toute française qui est ce qu'on appelle le French bashing, ou en tout cas la volonté de dire que on est bien plus malheureux que ce que l'on ne serait finalement si on observait les choses avec un œil un peu plus dépassionné? Non, mais c'est sûr que bon, il faut pas prendre la bibliométrie au pied de la lettre, et il faut faire très attention à des additions comme ça d'articles où finalement on additionne des savoirs qui ont une valeur et un apport à la société qui est très variable finalement. Et donc c'est clair que cette espèce de pression à la quantité qu'il faudrait se mettre, courir comme ça pour être dans les premières places au nombre d'articles, c'est sûrement une grosse erreur. Mais il y a quand même un enjeu, ce que je veux plutôt défendre, c'est qu'il y a quand même un enjeu dans la stratification, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de continuer à essayer de placer des articles dans le sommet de la hiérarchie de la science, essayer de placer des articles influents qui ont de l'impact, qui sont originaux, qui sont des recherches vraiment nouvelles. Et ça peut se mesurer aussi éventuellement avec la bibliométrie. Et je pense que si on... Alors évidemment, le CNRS fera toujours très bien, parce que c'est un institut de recherche excellent et qu'il est aussi très grand finalement. C'est un des plus importants au monde, bien sûr, directement derrière l'Académie des sciences chinoises, bien sûr. Mais donc voilà. Mais bon, la réalité, c'est que, comme l'a dit Sylvestre, on continue à investir 2,2% de notre PIB dans la R&D, alors que des pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Suède, l'Autriche passent aisément les 3%. Donc, alors moi, par rapport à votre questionnement de tout à l'heure, c'est de se dire, mais pourquoi au fil des années, le gouvernement ou les gouvernements successifs et la société française dans son ensemble ne soutiennent pas suffisamment la recherche? Moi, je pense qu'on a un problème d'acceptabilité sociale et politique à la dépense en recherche dans ce pays. On va continuer à parler justement, notamment bien de ce casus belli entre les scientifiques, les chercheuses et les chercheurs et les dirigeants du financement de la recherche publique, parce qu'on parle de 2,2% du PIB. Il s'avère que la part de l'argent public dans ce chiffre, c'est 0,8%. Donc on va essayer de voir cette frontière, cette ligne rouge peut un jour être franchie. On va essayer de voir aussi si finalement, puisque là on parle de l'étude de l'OST qui va jusqu'en 2018, et bien les dernières mesures, il y a une loi de programmation pluriannuelle qui vient d'être proposée par le gouvernement, peuvent éventuellement changer un peu cet état des choses. Bref, on continue à parler de l'état de la recherche française dans quelques instants. Thank you. Jerry du groupe Olaik, comme chaque jour en soutien à la scène musicale indépendante française et à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard, à qui vous pouvez continuer d'envoyer si vous voulez vos propositions musicales pour que nous les diffusions à l'antenne. Nous parlons tout au long de cette heure du classement de la recherche française sur la scène internationale et d'un certain décrochage constaté par un classement produit par l'Observatoire des sciences et des techniques de 2005 à 2018. La France est passée du 6e au 9e rang. Alors, que dit ce classement de notre recherche nationale? Quelles sont les raisons de ce déclassement, si toutefois il était vraiment avéré? Nous en parlons avec Nicolas Carayol, qui est professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux, et avec le journaliste scientifique Sylvestre Huel. Et parmi les causes du décrochage que dénonce, et qu'on dénonçait d'ailleurs parfois à ce micro, un certain nombre de chercheuses et de chercheurs, il y a notamment le problème de la surcharge administrative, surcharge qui empêche notamment les directeurs de laboratoire de se consacrer pleinement à leur activité de recherche. Et c'est précisément l'un d'entre eux que vous êtes allé rencontrer pour le reportage du jour. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, Franck Pérez est directeur de l'unité biologie cellulaire et cancer. Son équipe développe des méthodes d'imagerie de cellules pour mieux comprendre la sécrétion de protéines pour des visées thérapeutiques. Mais depuis qu'il a pris ses fonctions en 2019, sa vie ne ressemble plus vraiment à celle d'un chercheur. Entre les documents qu'il doit consulter et signer, les informations qu'il doit faire remonter, les procédures à remplir et les dossiers à monter pour demander des financements, il ne lui reste plus beaucoup de temps pour superviser ses doctorants ni même faire de la veille scientifique. Au-delà du poids quasi létal de l'administration, c'est surtout le manque de liberté et d'autonomie de la part des autorités qui abîment selon lui la recherche publique aujourd'hui. Dans mon laboratoire, on est une douzaine de personnes, je dirais. J'héberge aussi une plateforme anticorps, donc on est, je dirais, 12 ans à peu près, pour payer un budget qui est de l'ordre de 150 à 200 000 euros par an. Et c'est ce qui alimente tous mes projets. En fait, tous les projets nouveaux dans le laboratoire sont financés de cette façon-là, donc qui est tout le fonctionnement de la recherche, les équipements, les petits équipements, toutes les dépenses qu'on fait systématiquement, et puis surtout les salaires. Je pense que les deux tiers des salaires dans mon équipe sont payés sur mes financements personnels, quoi, sur les grandes, comme on dit. Là, on est dans votre bureau, on voit qu'il y a énormément de paperasse, il y a beaucoup de dossiers. Là, il y a une de vos doctorantes, j'imagine, qui vient de vous faire signer un papier que vous n'avez même pas... C'est-à-dire un geste systématique. En quoi l'administration est vraiment devenue un frein majeur? Voilà, on a beaucoup de documents signés. Alors, moi, je suis devenu directeur d'unité, donc la quantité de papiers que je signe de façon inutile a augmenté énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses dont... Enfin, il faut que je signe pour endosser une responsabilité, mais je la délègue, moi, évidemment, au chef de projet, au chef d'équipe dans l'unité, mais il faut quand même que je signe de toute façon. Mais le pire pour moi, c'est toute la remontée d'informations. Tous les organismes ont besoin qu'on remonte des informations. Chaque année, en début d'année, c'est vraiment sans fin. Et je crois que la raison, c'est que chacun est évalué. Enfin, il y a une sorte d'évaluation permanente dans la recherche. Donc le CNRS doit montrer qu'il est efficace, l'Institut Curie doit montrer qu'il est efficace. Les LabEx qu'on a créés il n'y a pas longtemps doivent le montrer, les instituts de convergence aussi. Et donc, on est en permanence à remonter les mêmes informations, le même article, la même participation au même congrès. Donc, tout le monde nous demande des informations, c'est gigantesque. Et donc, ceux qui nous financent, je pense, savent pas vraiment quel est notre métier. Et ils ont des contraintes budgétaires. La Cour des comptes les analyse, leur fait des recommandations. Et c'est ça devient perpendiculaire à notre métier. Et on passe beaucoup, beaucoup de temps à faire du reporting, à remonter des informations. Moi, je serais assez pour qu'on fasse une sorte de moratoire, qu'on arrête de nous évaluer pendant quelques temps, et puis on regarde si on est devenu moins bon. Moi, je suis convaincu qu'on serait bien meilleur si on arrêtait de nous évaluer en permanence, qu'on nous laisse et qu'on nous finance, qu'on nous libère un petit peu la pensée. Je devrais passer mon temps à lire des articles, à diriger mes étudiants, à discuter, à débattre avec des collègues, et pas à remplir des tableaux. Et on passe notre temps à faire ça, à faire de la remontée d'informations. Ce que je peux vous montrer, c'est à quel point on est dépendant des matériels. Donc ça, c'est le laboratoire que j'anime. Donc il y a ces deux laboratoires, une pièce à droite, une pièce à gauche. À droite, c'est le laboratoire de recherche. À gauche, c'est une plateforme où on sélectionne des anticorps synthétiques, notamment pour cibler des tumeurs, mais aussi pour faire de la biologie fondamentale. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'équipements, il y a des centrifugeuses. Et si on avance dans les locaux, vous verrez que tous les labos qu'on a ont des spécialités. Donc ici, c'est un laboratoire de la structure des protéines, on va dire. Et si on avance encore, vous verrez, là, c'est pareil. Vous voyez tous ces appareils-là qui sont en permanence utilisés. Donc tout ça, ça a des coûts gigantesques. Et ce qu'il faut voir, c'est que les techniques avancent, elles évoluent. Et donc les autres pays, les autres laboratoires s'équipent. Et je pense qu'en France, on n'a pas bien vu, dans mon domaine en tout cas, la transition qu'a eu la biologie. Qui est une biologie très technologique aujourd'hui, qui est devenue très, voilà, très informatisée, il avec faut beaucoup des technologies qui évoluent très vite. Et donc il faut remettre à niveau, il faut s'équiper de nouvelles technologies pour continuer d'avoir une capacité d'aller dans le détail, étudier nos sujets. Mais certains équipements deviennent très chers et on n'a pas du tout réussi à augmenter notre capacité d'équipement. Typiquement, nous, on fait beaucoup d'imagerie, on regarde les cellules vivantes, système qui valent très cher. On arrive à équiper des grandes structures très mutualisées. L'idée en France, c'est de faire des grands pôles. Donc il y a les équipements et puis il y a les recrutements. On a du mal à recruter des ingénieurs et à garder nos ingénieurs, des ingénieurs de talent qui travaillent pour un seul laboratoire, pas pour une plateforme, pas pour une structure, juste pour un laboratoire. J'imagine qu'un ingénieur peut effectuer des tâches plus techniques qui vous permettraient de dégager du temps. Et non seulement ça, mais garder la mémoire du laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va rester, qui va continuer de développer ces technologies. Et nous, moi, je suis plus à la direction de recherche maintenant, donc je fais très peu d'expérience moi-même, voire pas du tout, hélas. Et donc c'est mes ingénieurs qui forment les gens qui arrivent au laboratoire. Et c'est quelque chose qui disparaît peu à peu. Donc il y a une mémoire qui est en train de partir. Ces gens partent à la retraite et on ne les remplace pas. Donc dans nos domaines, on est en train de mourir de ça, de ne pas avoir cette capacité à structurer nos équipes de façon robuste. Je ne vois pas qu'on se finisse par être comme à l'armée. On disait, je ne sais pas si c'était vrai, qu'on faisait tourner les camions en fin d'année pour dépenser l'essence. Et nous, c'est vraiment un drame de ne pas pouvoir de mettre de l'argent de côté, de reporter nos budgets. On est obligé de dépenser nos budgets à 100% en fin d'année. Et c'est un vrai problème. Et donc, on a cette obligation de gérer avec une sorte de projection chaque année, de bien dépenser. C'est vraiment, là encore, quelque chose qui nous infantilise beaucoup. Pourquoi ne pas juste nous laisser gérer, avoir des comptes sur lesquels on peut accumuler des financements non dépensés avec sans doute un niveau maximum, un plafond. C'est évidemment, on va pas faire de la spéculation, mais qu'on nous laisse un peu plus de liberté, de gestion, d'être un peu adulte. De nouveau, ça fait 30 ans que je fais de la recherche, donc il y a quand même un moment ou un autre, on se dit, mais quand est-ce qu'on va me faire confiance pour juste gérer mon laboratoire? C'est un appel simple et je pense que ça nous simplifierait tous la vie. Je pense que vraiment ça ne demande pas plus d'investissement là. C'est au contraire, c'est pour libérer les investissements. Voilà le témoignage d'un directeur de laboratoire, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre. Ce sont des arguments que l'on entend fréquemment dans les manifestations, dans les revendications de différents scientifiques sur l'exercice de la profession de chercheur ou de chercheuse qui devient de plus en plus compliquée. Sylvestre Huet. D'abord, le mot important, c'est défiance. On a des responsables politiques qui se défient des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, des professeurs d'université, c'est fou. Et le résultat, c'est cette avalanche de reporting qui, moi je l'ai vu des dizaines de fois dans des laboratoires, des responsables d'équipe remplir et des papiers, dire 10 fois la même chose. Bon. Sylvestre, je vais me faire l'avocat du diable. Sylvestre, pardon, je vous interromps. À ça, je vais me faire l'avocat du diable, mais enfin, en même temps, c'est de l'argent public. Il semble naturel que l'on demande aux chercheurs ou aux équipes de rendre compte de la façon dont on utilise cet argent. Non, c'est absurde selon vous ? Faisons-le a posteriori sur les résultats. Mais ne demandons pas. Ça m'est arrivé d'être en reportage sur un navire de la recherche océanographique français et de voir le chef de mission faire des calculs bidons pour remplir des heures de travail des différents membres de son équipe consacrés aux différents projets. C'est de la bureaucratie stupide. C'est pas comme ça qu'on peut faire fonctionner la recherche. Et n'oublions pas que, en plus ce reporting beaucoup trop lourd, les chercheurs français, ces 15 dernières années, ont dilapidé des dizaines de millions d'heures de travail pour remplir des dossiers de demande de crédit aux agences de financement comme à l'ANR en pure perte parce que ces projets n'ont jamais été financés. Ça se compte en dizaines de millions d'heures de travail. Mais là aussi, vous ne trouvez pas normal qu'il y ait une sélection, qu'on choisisse les meilleurs projets. On ne peut pas gagner, on ne peut pas financer tout le monde. Il faut bien qu'il y ait une sélection sur la base de l'intérêt ou je ne sais pas, ou de la valorisation possible des recherches. Il faut financer tout le monde. Bien sûr que si, il faut financer tout le monde, parce qu'on a déjà sélectionné les chercheurs pour les embaucher, et très durement. Ce qu'il faut, évidemment, on ne peut pas financer toutes les idées, parce que heureusement, les scientifiques ont plus d'idées que ce qui est possible de réaliser. Mais en revanche, il faut financer tout le monde, et de toute manière, quand vous faites un système par appel d'offres et que vous avez à peu près 15% des demandes qui sont financées, tout le monde sait dans le monde entier que c'est un pourcentage beaucoup trop bas pour que le système soit efficace, parce qu'il se traduit par une perte beaucoup trop grande de nombre d'heures passées à rédiger des projets qui ne seront par définition pas financés, puisque par définition, il n'y a pas assez d'argent pour plus que 15% des projets qui sont déposés. Et ça représente une perte de temps. Non, énorme, oui, on avait... qui a joué un rôle dans le décrochage de la science française. On avait déjà consacré une émission à l'ANR pour expliquer bien toutes ces mécaniques et effectivement le taux très bas d'approbation des sélections du nombre de projets. On va vous retrouver le lien qu'on va vous poster sur le fil Twitter. Nicolas Carayol, je m'adresse bien évidemment au professeur de sciences économiques que vous êtes. Ce système, il est effectivement économiquement absurde. Alors, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on parle, mais par rapport à ce qui était dans le reportage, vos personnes interviewées mettaient en évidence le besoin de simplification dans la multiplicité des tutelles. Je pense que le directeur de laboratoire que vous avez interviewé avait plusieurs tutelles, donc il faut qu'il fasse un rapport à chacune des tutelles. Et quand on sait que pour l'exercice budgétaire, il y a comme une multiplication des comptes pour chaque tutelle. Enfin, c'est d'une complexité énorme, évidemment. Donc, c'est vrai que voilà, un exercice budgétaire qui serait un peu éloigné des contraintes habituelles de l'administration nous aiderait énormément. Et ça, on sait que ça libérerait des énergies. Et c'est sûr, comme ça a été mis en évidence. Je veux dire, les chercheurs, ce sont des gens qui ont été sélectionnés. La plupart d'entre eux, ce sont des personnes qui consentent, en réalité, à une diminution de salaire pour pouvoir exercer leur passion. C'est un métier passion. Et c'est un peu un paradoxe d'avoir des gens qui exerçaient leur métier pour leur passion et à qui on fait réaliser des tâches de bureaucratie tellement orthogonales avec la raison pour laquelle ils sont là. C'est clair qu'il y a une perte d'efficience, d'efficacité et de talent dans cette chose-là. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec Sylvestre Huet. Financement sur projet, c'est autre chose. Oui. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec Sylvestre Huet sur le fait qu'il faut arrêter de chercher à vouloir tout le temps évaluer les chercheurs. Il faut leur faire confiance. Il faut évaluer sur les résultats in fine, mais leur donner des enveloppes et leur dire allez-y, on y va les yeux fermés. Non, on peut pas dépenser tout ce qu'on voudrait, malheureusement. Donc il y a forcément une contrainte de rareté à un moment donné. Donc il faut faire des choix. On peut pas financer toutes les recherches. Malheureusement, c'est impossible. Donc il faut bien une règle de rareté. L'ANR, c'est une manière de répartir les budgets. Le financement sur projet dont vous avez parlé, c'est une manière d'allouer sur les projets en fonction d'une sorte de concurrence entre les projets qui va être sélectionné par des comités. Alors bien sûr, ça amène aussi une perte de ressources, parce que souvent on écrit des projets et puis qui ne seront pas financés. Mais il n'est pas certain absolument d'abord que l'énergie qu'on met dans l'écriture des projets, elle soit en pure perte. Quand on écrit un projet, on confronte nos idées, on noue souvent des collaborations. Bon, bien sûr, il y a une part de perte, mais c'est un mode de sélection des projets. Il n'est pas dit que sélectionner les projets en faisant confiance uniquement au directeur de laboratoire, ce soit absolument plus efficace. Bon, après, de toute façon, une chose qui est certaine, c'est que c'est un peu l'évolution de l'histoire. Le financement sur projet au niveau européen existe, il existe dans un grand nombre de pays, et puis finalement, en France, on n'a pas dans le mix un peu de financement de la recherche, on n'a pas une part si importante qui est dédiée au financement sur projet. Donc je pense que c'est fondamentalement une erreur que de penser que le financement sur projet est la source de nos maux, alors qu'il représente une part vraiment minime du financement de la recherche publique en France. J'aimerais qu'on dise un mot un peu Oui, Sylvestre Huet, en un mot. Mais majoritaire des projets. Parce que évidemment, on a la situation où on a des gens qui sont payés, mais qui n'ont pas l'argent pour mettre en œuvre réellement leur talent, et quand même à des niveaux. J'aimerais revenir sur cette histoire terrifiante. La recherche sur le coronavirus avait besoin d'élucider sa structure en 3D au niveau atomique pour donner les éléments d'information nécessaires aux recherches vaccinales et thérapeutiques. En France, il y avait, au moment où il fallait le faire, exactement zéro cryomicroscope électronique à cette découverte qui a été récompensée par le prix Nobel en 2017 pour mener cette recherche. Or, les équipes qui s'en occupent, notamment celle de Bruno Canard à Lumini à Marseille, avaient depuis plusieurs années demandé de l'argent, et ce n'est pas des dizaines de millions, c'est moins de 5 millions d'euros un cryomicroscope électronique pour faire cette observation à 2-3 angstroms de résolution. La France n'a absolument pas participé à l'élucidation de la structure 3D du coronavirus parce que les équipes qui pourtant l'avaient demandé n'étaient pas équipées en cryomicroscope. Et en plus, la ministre de la Recherche a menti aux sénateurs et députés qui l'interrogeaient sur ce sujet en prétendant qu'il y avait un tel microscope dans son université à Nice, ce qui était un mensonge. Donc quand on est dans une situation où des équipements, c'est même pas du mi-lourd, quelques millions d'euros, manquent, font défaut, alors qu'il y en a des dizaines en Chine, aux États-Unis, qu'il y a des chercheurs français qui ont participé à ce travail, mais aux États-Unis, parce qu'ils sont allés là-bas parce qu'il y avait cet équipement, là, quand même, on se rend bien compte, avec cet exemple, hein, où on n'est pas en train de parler de milliards, que oui, il y a eu un défaut, un sous-financement de la recherche française, notamment en biologie. Le reportage le montrait très bien. Et puis j'aimerais dire quelque chose, je vais oser dire quelque chose que j'ai jamais osé écrire. Je vous en prie, Sylvestre, on vous écoute. J'ai observé la recherche française pendant presque 40 ans. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai observé que le profil scientifique des directeurs de laboratoires, d'unités de recherche, en qualité, a diminué. Pourquoi ? Parce que, à force d'écraser les directeurs de laboratoire, les directeurs d'unités de recherche, sous les tâches administratives, on a découragé les meilleurs scientifiques d'assumer ces responsabilités. Et même dans des très grands laboratoires sur lesquels j'ai fait des reportages, j'ai remarqué ça, que les leaders scientifiques n'étaient plus comme il y a 40 ans, les directeurs de laboratoire. Parce qu'une fois qu'on est devenu directeur de laboratoire, on n'a plus le temps de faire de la science. On n'a plus le temps de réfléchir. Parce qu'on est écrasé sous les tâches administratives. Alors, Sylvestre, j'aimerais qu'on dise... Ça a des conséquences terribles. Bien sûr. Sur notamment la capacité des chercheurs français à aller protester devant les directions des organismes de recherche et devant le pouvoir politique. Alors tout de même, puisque vous évoquez l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, parlons un peu de ce qui est en cours, puisque le discours actuel du gouvernement, c'est de dire effectivement, nous avons conscience de ce décrochage et nous sommes les premiers à vouloir faire quelque chose pour remédier à cette situation, avec des chiffres qui sont avancés, notamment on parlait de l'ANR avec un budget de l'Agence Nationale de la Recherche le plus haut depuis 2006 avec 1,20 milliard d'euros, avec la fameuse loi de programmation pluriannuelle de la recherche, avec une hausse du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à 28,5 milliards d'euros, soit 600 millions d'euros de plus qu'en 2020, avec un discours qui dit qu'on va augmenter les chercheurs pour rendre les carrières plus attractives. Est-ce qu'il n'y a pas, pour une fois, enfin, un gouvernement qui tente de remédier à cette situation, Nicolas Carayol ? Oui, non, mais c'est la loi pour pluriannuelle de programmation, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire, on a besoin d'une perspective sur plusieurs années pour financer la recherche. Est-ce qu'elle est suffisante ? Je ne sais pas. Il faut probablement investir et investir toujours plus. Alors, investir aussi dans une certaine direction. Je pense qu'une des choses qui est vraiment essentielle pour la recherche française, c'est de parvenir enfin à constituer des véritables universités de recherche. Je pense que ça répondra en partie à l'augmentation de la paperasse. Je veux dire, à partir du moment où les directeurs de laboratoire auront moins de hiérarchie, moins de tutelle multipliée, et où on va faire des efforts pour simplifier un petit peu l'organisation de la recherche, ça sera certainement un gain d'efficacité énorme. Donc je pense que c'est un plus, une loi pluriannuelle, mais elle va augmenter les financements, on en a bien besoin. Est-ce que c'est suffisant ? Je suis loin de le penser. Sylvestre, pour conclure. L'état actuel de la recherche française et son décrochage, c'est quand même le résultat des politiques qui ont été démarrées sous Chirac. Oui, mais pour conclure sur la LPPR, sur le gouvernement actuel, sur les augmentations de budget dont parle la ministre, etc. Accentué sous Sarkozy, continué par Hollande et continué par Emmanuel Macron. Il n'a pas été élu président de la République l'année dernière. C'est un peu plus vieux. Tous les budgets de la recherche depuis que Emmanuel Macron est à l'Élysée. Oui, mais il est en train de la faire, cette LPPR. Et on peut lui, au moins lui reconnaître le fait de l'avoir pris en charge. Pourquoi il n'a pas augmenté les dépenses dès la première année ? Il avait certainement d'autres priorités, ça s'appelle la politique. Les effectifs du CNRS ne vont pas augmenter. Donc la LPPR, c'est quand même quelque chose qu'on fait en fin de mandat. Donc c'est un engagement qu'on prend au nom des successeurs. Je ne sais pas qui serait élu à l'Assemblée nationale et à l'Élysée en 2022. On verra bien. Et d'autre part, c'est quand même très clair. Quand on prend la calculette, même si la LPPR était appliquée complètement, on n'atteindra pas, et de très loin, l'objectif des 3% du PIB. Mais c'était peut-être un objectif difficile à atteindre d'une seule fois. Je veux dire, c'est pour ça que cette loi s'appelle une loi de programmation pluriannuelle. C'est la volonté de répartir cet effort budgétaire dans le temps. Eh bien ça, on va voir. Mais ce qui est clair, c'est que l'essentiel de l'effort que Emmanuel Macron prétend vouloir faire pour la recherche publique, c'est un effort qui, s'il existe, aura lieu lors du prochain quinquennat. Donc on aura encore perdu 5 ans. Et on parle de recherche publique, on parle très peu et assez peu souvent d'ailleurs de l'implication des fonds privés. Et là aussi, la France est un peu en dessous du reste de l'implication du secteur privé dans la recherche. Hein, 56% c'est de vrai. La dépense intérieure, c'est très inférieur au Japon, à la Corée, à l'Allemagne, aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Et là aussi, la politique est en cause. Les pouvoirs actuels, le pouvoir politique actuel, dans la suite de Hollande et Sarkozy, ont prétendu que c'était avec le crédit d'impôt recherche qu'ils allaient permettre aux entreprises privées, au capital privé, de faire l'effort qu'il faut faire pour la recherche et le développement en France. Le résultat, il est là, ça ne marche pas. Alors, c'est très clair qu'il faut faire autre chose, peut-être une intervention publique beaucoup plus directe dans la recherche industrielle, comme on faisait à l'époque où il y avait des entreprises nationalisées. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le crédit d'impôt recherche n'a pas atteint les objectifs qu'on avait fixés. Le crédit d'impôt recherche qui est très très critiqué, ce sera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Nicolas Carayol, merci Sylvestre Huet d'être venu nous parler de la place de la recherche française dans le monde. Un mot pour vous dire, parce que j'ai oublié de vous le dire, que c'était hier le jour de la sortie des idées claires en podcast sur le site, sur l'appli de Radio France et sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info avec cette question. Est-ce que l'ostéopathie, ça sert à quelque chose ? C'est intéressant de regarder cette pratique à l'aune de la méthode scientifique. Un mot pour vous dire qu'on va vous reposer. On attend avec impatience les premières grilles de bingo, la méthode scientifique, et que vous pouvez gagner des livres l'espace dédicacé si vous nous renvoyez des grilles remplies. Comme d'habitude, c'est sur Twitter, @laméthodefc. Un mot pour vous dire que on n'a pas trouvé de pieuvre, évidemment, dans une météorite. Vous regarderez la date et vous vous demanderez pourquoi. Un mot pour vous dire également merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Adèle Caglar à la technique aujourd'hui. Demain, table ronde d'actu des sciences. On va reparler de pieuvres, puisqu'on va parler du rêve et de la faculté de rêve des céphalopodes, de l'étude sur le sommeil comme porte d'entrée vers une meilleure compréhension de la conscience. Et on prendra également la température de crocodile à sang chaud demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.